C'était l'ombre de rien, même pas l'ombre d'un chien. Une petite ombre qui est passée, comme le faux-follet fugace. Un rien de mélancolie passe avec l'ombre jolie. Quand elle sort de la pénombre, elle illumine tes yeux sombres. Cette petite ombre qui passe, qui ne laisse pas de trace que celle d'une larme, c'est une ombre qui me désarme. Une larme de tes yeux sombres sur ton visage, une petite ombre laisse la place à la lumière, laisse sa place à ta lumière. C'était l'ombre de rien, même pas l'ombre d'un chien. Cette petite ombre qui passe et qui ne laisse pas de trace.